Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. On accueille Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Et la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Assemblage requis, ça commence. Tout de suite. Ah oui, là, là. Tout de suite. Combien tu penses qu'on peut faire de variantes de notre tout de suite et maintenant, de blagues avec ça? Là? Ben, une bonne semaine. Ouais, au moins. Hein. Au moins. Au moins. De passer ça, on serait vraiment des champions. On pousse notre chance si on fait ça. Bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifo à Trois-Rivières ce mardi 11 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Et combien de variantes dans le mot 11, c'est ce que je peux faire? C'est... Pas tellement ça, par exemple. Non, pas tant que ça. Peut-être deux, mettons. Peut-être. Donc, aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on a, François? On a, à partir de 8h, notre bonne amie, Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné, avec sa chronique « Ton plat favori ». On ne sait pas ce qu'elle nous présente encore. C'est toujours une surprise, elle. Ouais, exactement. Même chose pour Marie-Pierre Laforge-Bourret, à 8h30. Qui, elle, nous parle de livres. Oui, des livres avec des pages. Ça va être intéressant. Dépendant de la grosseur de la police de caractère, des fois, il y a plus de pages, des fois, il y a moins de pages. Ouais, exactement. Des fois, c'est un livre électronique, donc il n'y a pas de pages du tout. Oh ouais, c'est déjà arrivé? Non, mais oh. Ça pourrait. Ça pourrait. Dans le futur, hein, le papier, c'est fini, ça? Yes. Ouais, c'est dans le passé. Comme les journaux, hein, c'est... Puis les radios, mettons. On est vraiment dans les médias du futur, nous autres. Hein? Ouais, exactement. Ouais, donc sinon, aussi une chronique, c'est un fait. On doit rattraper, ça fait depuis mercredi passé qu'on n'a pas fait, c'est un fait. Et même chose pour CNX. Donc les deux chroniques s'en viennent dans l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bon. Une émission chargée. Ouais. Une petite semaine, d'ailleurs, on est là aujourd'hui, demain et jeudi. Hier, on était là, mais seulement d'autres tombes. Ouais. D'autres lits, plus. On était là, on n'était pas là, on était là, on n'était pas là. C'est ça. On faisait une émission en direct de notre lit. Ça plaisait. C'est ça. On a fait la même émission que v'là une semaine environ, que lundi d'avant. Mais on a tout réinvité nos chroniqueurs dans le lit, puis on leur dit les mêmes mots. Fun. Ça mène nulle part, ça? Hein? Non. Non. Si on commence avec Éléphantine, François. Vas-y donc. On écoute sur leur album Le Bonheur en 3D. Et voici une clope, un café au 89 FM, c'est fou. Une clope, un café. C'est parti pour la Conquête de Block Party à Assemblage Requis. Et juste avant, c'était Elephantine avec le morceau Une clope, un café. Maintenant, à Assemblage Requis, François, on va parler un petit peu des activités du campus. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce qui se passe? Le monde s'en va où, là? Écoute, pas grand-chose, en fait, en vérité. Là. On va commencer aujourd'hui, évidemment, le 11 octobre. Il y a un atelier de révision grammaticale du CSFM. C'est vrai qu'ils apprennent à épeler leur propre... Ouais, c'est ça, exactement. C'est le Centre de soutien à la formation des maîtres. Donc, qui offre la chance aux étudiants en sciences de l'éducation l'opportunité de rafraîchir leurs connaissances grammaticales. Voilà, il faut évidemment s'inscrire sur le uqtr.ca/CSFM. Mm-hmm. Et c'est gratuit, ça se déroule au local 22-21 du pavillon Albert-Tessier et c'est à 13h. Très bonne idée pour notre génération MSN, SMS, LMFAO. LMFAO. Peu importe, là. Barbecue. Tout ça, là. Ouais. Tout ça ensemble. Les acronymes, là. Ouais. Écoute, demain, en fait, Mathieu, un atelier qui pourrait peut-être t'intéresser. Et non, je ne te le vise pas particulièrement. Ben non, hein. C'était juste pour faire un jeu de mots. Enfin, attends, atelier sur la procrastination et la gestion de temps. Et ça se déroule de midi à 15h. Et non, évidemment, faut pas être en retard. Ben non, hein. Et ça se déroule au local 3002 du pavillon Ringuet. Et c'est gratuit. Donc voilà, c'est pour les étudiants. Mais en fait, je pense que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Ben oui, qui n'a pas procrastiné un peu dans sa vie, ses examens? Non, non, c'est ça, exactement. Les devoirs, ben. C'est ça, exactement. C'est, voilà, en fait, là, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter madame Hélène Rousseau au 819-376-5011 au poste 6056. Mm-hmm. Donc voilà, ceci, ça c'est vraiment pas intéressant. C'est le fun pour ceux qui vont sur le calendrier et regardent dans quel ordre tu lis ça. Il y a le concours de bourse des conseils fédéraux qui aura lieu au service des études de cycle supérieur. Donc, il mentionne les dates limites pour déposer votre candidature. Donc, voilà, en fait, il y a le 14 octobre, 4 novembre et 25 novembre. Donc, pour information, vous pouvez toujours visiter le site internet des cycles supérieurs. Donc, voilà, ça fait le tour un peu de pour cette semaine. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. On transitionne comme on le fait qu'on aime ça. Chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou. Voici la chronique CNX. Et dans la chronique geek, Célix, aujourd'hui, on a tellement de nouvelles à parcourir parce qu'on n'avait pas de chronique jeudi dernier avec la mort de Steve Jobs, évidemment. On a gardé ça pour nous autres, mettons. Hein? Ça va? Donc, parlons-en un petit peu de ce Steve Jobs. Retour là-dessus. On en a parlé tellement et tout le monde en a tellement parlé. Mais les obsèques de Steve Jobs ont été organisées en privé vendredi, deux jours après la mort du légendaire cofondateur d'Apple, selon une personne informée citée dans l'édition en ligne du Wall Street Journal. Par respect pour la famille de Steve Jobs, ni l'heure exacte ni le lieu de cette petite cérémonie privée n'ont été indiqués. Steve Jobs, qui vivait au cœur de la Silicon Valley au sud de San Francisco, est mort à l'âge de 56 ans, vous le savez, des suites d'un cancer du pancréas qu'il avait révélé en 2004. Apple avait indiqué mercredi qu'une célébration de la vie extraordinaire de Steve aurait lieu ultérieurement pour les employés d'Apple, mais aucun projet avait été mentionné à cette date-là, mais l'article est sorti plus tard. Ça va avoir lieu le 19 octobre dans l'amphithéâtre du siège de la compagnie à Cupertino dans la Silicon Valley. Donc, c'est là que ça va avoir lieu l'hommage à Steve Jobs pour les employés d'Apple ou ses disciples, comme certains diraient. Toujours au sujet de Steve Jobs, sa biographie rédigée par Walter Isaacson sera disponible le 26 octobre en français au Québec. La biographie autorisée de l'homme derrière les succès d'Apple et Pixar, intitulée Steve Jobs, en guillemets, sera disponible en français le 26 octobre prochain. Elle pourrait connaître le même succès obtenu par son auteur Walter Isaacson avec ses best-sellers précédents comme Einstein, la vie d'un génie, et Benjamin Franklin, une vie américaine. Initialement prévue pour être lancée le 21 novembre, donc un mois plus tard environ, la date de publication a été devancée suite au décès de Steve Jobs cette semaine et elle avait été devancée, je crois, aussi quand il avait annoncé sa retraite. Je crois que c'était supposé être en janvier ou au début de 2012 à l'origine. En vente au prix de 35$ aux éditions JC Lattès, le livre retrace l'incroyable vie et l'extraordinaire personnalité d'un génie perfectionniste et hyperactif qui a révolutionné les ordinateurs, les films d'animation, la musique, les téléphones, les tablettes tactiles et l'édition numérique. Hein? c'est beaucoup de choses. C'est en avril 2011 que Jobs aurait donné son aval à la publication du dit ouvrage et il a d'ailleurs participé aux entrevues à l'intérieur du livre. Donc ça pourrait être très, très, très intéressant et ça me surprend qu'ils aient réussi à traduire ça. J'imagine qu'ils ont engagé un paquet de gens dans chaque pays pour traduire ça le plus vite possible, ce livre-là. Surtout qu'il y a des ajouts, des chapitres qui ont été ajoutés après sa retraite et après sa mort, plein de morceaux. D'extra. C'est ça. Exactement. On reste encore un petit peu dans le domaine d'Apple, mais par la bande, un étudiant en design de Hong Kong a créé un engouement sur le web après avoir détourné le célèbre logo d'Apple pour rendre hommage à Steve Jobs. Et là, si tu vas voir l'article qui s'appelle « Un étudiant fait un tabac avec un logo d'Apple modifié », c'est Jonathan Mack, un étudiant de 19 ans, en deuxième année de design graphique à l'Université Polytechnique de Hong Kong, qui a incrusté le profil de Steve Jobs en ombre chinoise sur le fond blanc de la pomme. Donc, il a remplacé le morceau croqué de la pomme d'Apple par une silhouette de Steve Jobs, je veux dire. Bon, ouais. Une job assez facile à faire, on s'entend. Ouais. Comme, mais c'est bien réussi. C'est très réussi, c'est ouais. Ça. Mais ça fait une espèce d'engouement, comme si c'était genre le meilleur artiste graphique du monde. L'idée lui est venue lorsque Jobs a démissionné de la tête de l'entreprise. Il dit « c'est irréel ». Hein, après avoir reçu dans sa boîte de courrier électronique et sur son compte Twitter près de 200 000 messages du monde entier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? 200 000 commentaires pour ça, c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais maintenant, c'est pas vraiment avoir le talent, c'est avoir l'idée. Exactement, c'est ça. Très, très bon point. Tout le monde dit, tu sais, n'importe qui aurait pu faire ça, ouais, mais tu l'as pas fait. T'sais. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis dire quand même que tu dises aujourd'hui que tu avais eu l'idée avant, mais tu l'as pas fait. Ben non, c'est ça. C'était à toi de le faire avant. Ben ouais. Il s'est dit prêt à reverser l'intégralité des bénéfices qu'il tirerait de sa création à la recherche sur le cancer, parce que Steve Jobs est décédé d'un cancer, évidemment. Par la bande, encore une fois, au sujet d'Apple, Samsung et Google retardent le lancement de leur nouveau téléphone. Les groupes coréens et américains Samsung et Google ont annoncé vendredi dernier le report du lancement de leur nouveau téléphone, citant les circonstances actuelles en référence au décès de Steve Jobs. Donc, ils se sont dit que c'était un manque de respect d'essayer de sortir un nouveau téléphone en faisant comme « Wow, c'est la meilleure affaire », puis Apple, c'est de la merde, ah, tu sais. Genre. Bon, non. Je suis sceptique. Pendant quelques jours, quelques semaines au pire. Ouais. Tu l'aurais fait quand même, tu l'aurais sorti. Ben, dans ta face, Steve Jobs en est meilleur qu'à toi. Non, mais je pense que oui. En fait, là, je pense pas que ça s'en met, c'est pour ces raisons-là qu'ils l'ont pas sorti. Là. Peut-être parce qu'il est pas prêt. Là. Peut-être. Peut-être qu'ils servent de ça comme excuse et ben, oui, ça les aide à peut-être améliorer leur point. C'est sûr. C'est une théorie. Ils sont pas là pour s'en faire des amis, là, dis-toi ça. C'est sûr. Mais ils sont pas là pour s'en faire des ennemis parce que si les gens qui aiment Samsung voient qu'ils le sortent quand même alors que l'iPhone 4S est sorti et a été révélé quelques jours avant, ils vont peut-être dire « Ah, moi, j'achèterai plus du Samsung parce qu'il manque de respect envers Steve, non? » Non, je pense pas. Moi non plus, non. Beaucoup de nouvelles sur Apple, mais c'est normal, hein, ça arrive une fois de temps en temps d'avoir beaucoup de nouvelles sur Apple en même temps. Plus d'un million de commandes de l'iPhone 4S en une seule journée. Les gens comme toi et moi et comme plusieurs autres analystes, et là je m'englobe pas dans le champ des analystes ici, là, mais plusieurs personnes étaient déçues de l'iPhone 4S en disant que c'était pas l'iPhone 5. En même temps, l'intérieur est changé. Je suis sûr que s'ils l'avaient appelé iPhone 5 et que ça avait été le même extérieur que l'iPhone 4, les gens auraient capoté juste à cause du numéro. Ça se pourrait, il y a bien des théories là-dessus aussi. Mais Apple a annoncé lundi, hier, donc, que les réservations pour la dernière génération de son iPhone avaient atteint un record avec 1 million de précommandes en une seule journée. Oh, est-ce que Mathieu Plante fait partie? Ben non, il faut que je t'en parle, on va prendre 30 secondes. Vas-y. Ma porte de sortie avec ma compagnie de téléphone est finalement le 26 décembre. Donc, si je veux partir avant le 26 décembre, je dois payer minimum, je crois que c'est 100$ de frais de résiliation. Avec les vu que je suis sur l'ancienne formule, c'est depuis genre l'été 2010, il y a une nouvelle formule par rapport au pourcentage de temps qui te reste, une espèce de formule compliquée pour découvrir combien d'argent tu devrais si tu veux sortir de ton contrat. Mais avant cette date-là, ce qui est à dire moi, c'était le nombre de mois restants, mais avec un minimum de 100$. T'sais. C'est comme mettons X dollars par mois qui te reste, mais avec un minimum de 100$. T'sais. Ok. Donc, je peux pas sortir en bas de 100$, c'est ce que ça veut dire. Le groupe donc a dépassé ainsi le précédent succès établi par l'iPhone 4 de 600 000 réservations en 24 heures. L'iPhone 4S, qui a été présenté la semaine dernière par Apple à la veille du décès de son légendaire patron, doit être mis en vente le 14 octobre. Donc, ça, c'est quoi? C'est jeudi, je crois, le 14? Non, vendredi, pardon. Aux États-Unis et dans 6 autres pays, dont le Canada. Et puis ils disent l'opérateur téléphonique américain AT&T avait déjà annoncé vendredi soir que le lancement de la dernière génération de l'iPhone connaissait un succès sans précédent avec plus de 200 000 réservations prises aux États-Unis en moins de 12 heures. Puis c'est ça. D'ici la fin du mois d'octobre, l'iPhone 4S va être distribué dans 22 pays supplémentaires. Passons dans un autre sujet complètement à Twitter et la mort de Bill Gates. C'est un site français qui a déchaîné Twitter. Le site internet de l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur a attiré l'attention des Twitter Notes en publiant le 6 octobre une annonce de la mort du patron de Microsoft, Bill Gates, en lieu et place de celle de Steve Jobs. La gaffe était présente dans le titre d'un article recensant les hommages adressés au défunt patron d'Apple. Même si le contenu de l'article faisait référence à Steve Jobs, le titre, lui, était « Mort de Bill Gates, énormément d'hommages dans le monde ». C'est quelque chose, ça? Ben oui. C'est une petite gaffe mineure, hein? Le titre a été corrigé, mais les utilisateurs de Twitter qui se l'ont propagé, évidemment, ont gardé le titre, parce que quand tu retweets un article et qui s'appelle un nom, ben tu gardes le nom dedans, tu sais. Une erreur qui en rappelle une autre qui s'est produite dans le Daily Mail cette semaine. Le quotidien britannique qui avait publié un article prétendant qu'Amanda Knox, l'étudiante là, qui avait été acquittée de meurtre, là, était coupable. Enfin, elle n'était pas coupable. Oh. Les engins volants sans pilote qui sont utilisés par l'armée américaine ont été... Les drones? Les drones? What? Oui. Est-ce que tu as entendu la nouvelle? Non. Qui ont été infectés par un virus informatique. Ah, non. C'est vrai. Les drones effectuent des missions dans les zones de conflit, dont l'Afghanistan. Ils sont très utilisés par l'armée américaine. Mm-hmm. Mais les drones sont loin d'être sécuritaires, oui. Citant plusieurs sources anonymes, Wired explique qu'un virus informatique a infecté les cockpits des drones américains Predator et Reaper, enregistrant toutes les commandes des pilotes quand ils effectuent à distance des missions. Le virus a été découvert à la fin du mois de septembre par la base de Creech, dans le Nevada, qui commande ses drones à distance. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine et la nature du virus, mais les militaires n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et je cite, « Nous l'éliminons, mais il revient à chaque fois. » Ça fait très Windows, hein? Ça doit être, il doit falloir désactiver Restauration Système dans Windows XP. Nous pensons écris l'heure, là. Ouais, je vais faire ça. Donc, nous pensons qu'il n'est pas très dangereux, mais en fait, nous n'en savons rien. De plus, il apparaît que le virus ne transmet aucune des informations collectées. C'est pas la première fois que les drones sont piratés. En 2009, on avait rapporté que des insurgés irakiens avaient réussi à pirater le flux vidéo d'un drone, et ce, à l'aide d'un logiciel coûtant 30 $ américains. On rappelle que chaque drone revient à 4,5 millions de $ américains. La US Air Force n'a pour le moment fait aucun commentaire quant à la faible sécurité de ses drones. C'est drone, hein? C'est drôle, c'est drôle. Parlons de Netflix, un petit peu une grosse nouvelle selon moi. En septembre dernier, on se rappelle, pour ceux qui sont au courant, là, que Netflix avait annoncé qu'ils voulaient renommer leur service de location de films sur support DVD sous l'appellation Quickster. D'accord? Donc Netflix, c'est sûr que tu pouvais, tu avais un frais par mois, puis tu pouvais avoir des DVD par la poste, les renvoyer, puis t'en avoir tout un nouveau. Bon. Puis il offrait aussi de la vidéo sur demande. Donc, du streaming. Et là, ils avaient décidé que Netflix resterait pour le streaming et qu'ils allaient faire une compagnie distincte pour les DVD qui s'appellerait Quickster. Donc, okay. Ils confirment maintenant que c'est complètement annulé. Ils font volte-face et abandonnent toute l'idée de changement-là. Netflix confirme le désir de conserver les deux services ensemble sous une seule appellation présentée par le site web actuel. Parce que l'affaire que les gens, dans le fond, la communauté Internet a vraiment capoté avec ça, c'est que, dans le fond, ils voulaient charger deux fois, ça. Une fois pour Quickster par la poste, mais une fois pour Netflix par la vidéo sur demande. Pas gentil, ça, de pas prendre soin de ses clients. Non. L'idée n'en demeurait pas moins difficilement acceptable pour le consommateur. Voilà, donc les clients de Netflix auraient eu à s'adresser à deux entreprises différentes pour bénéficier de l'offre hybride. Le titre boursier se transige à 129,60 $ en once de 10,57 depuis qu'ils ont changé d'idée, parce que ça avait beaucoup baissé. Voilà. Bonne nouvelle, donc. Une étude réalisée à l'Institut du transport du Texas de l'Université A&M démontre les dangers qui attendent ceux qui textent ou envoient des courriels en conduisant. Ouais, en effet, hein. Et je cite, « Essentiellement, le temps de réponse d'un conducteur double lorsqu'il est en train de texter. » Ah oui. C'est la responsabilité de ça. Ben, c'est un petit peu évident. Ouais, c'est plus évident. Pour les besoins d'expérience, 42 conducteurs âgés entre 16 et 54 ans, entre 100 ans, ça aurait été bizarre, ils ont conduit sur une route fermée de 17 km de long tout en envoyant et en recevant des textos. Puis, une autre fois, sans leur téléphone, on leur demandait d'arrêter le véhicule dès qu'ils apercevaient une lumière jaune. Et leurs temps de réaction ont été enregistrés. En moyenne, un conducteur qui ne textait pas réagissait entre 1 et 2 secondes après avoir vu la lumière. Ce chiffre atteignait les 3 à 4 secondes en textant. C'est quand même pas si pire. Un conducteur préoccupé par son mobile avait 11 fois plus de chances de complètement rater la lumière. Jagger, ça c'est la responsable, affirme que le temps de réaction est le même pour un conducteur qui lit ou écrit un texto. C'est la même chose, lire ou écrire. Pourtant, je pensais qu'écrire, ce serait pire. Mm. Avec les touches. Moi aussi. Une étude américaine du département des transports indique que la distraction des conducteurs compte pour 20% de tous les accidents avec mortalité et que le téléphone cellulaire est en haut de la liste. Oh. Parlons un petit peu de jeux vidéo maintenant pour terminer. Selon Electronic Theater, Microsoft. Microsoft donc travaille sur un portail de jeux qui entrera directement en compétition avec OnLive et Gaikai. Te rappelles-tu de OnLive? Non. C'est le service de service de cloud gaming. C'est dans le fond, t'as une machine et t'as pas de disque ou de jeu acheté sur ton disque dur. Okay. C'est sur Internet que le jeu se passe. Donc, c'est quand même vraiment une bonne idée. Tous les jeux. Ben, en tout cas, les jeux qu'ils offrent sur le service. Bon, ouais. Et puis, j'imagine qu'il faut une super, super bonne connexion parce que, bon, à un moment donné, Le lag, c'est pas le fun. Hein? Son lancement serait prévu en 2012 et selon le site, le service va s'intégrer à Xbox Live et à tous les appareils de Microsoft, que ce soit la Xbox 360, Windows Phone 7 et Windows 8. Apparemment, les jeux Xbox 360 seront supportés par le service. Sera-t-il possible de jouer à des jeux Xbox 360 via son PC? C'est ce que l'article demande sur ArtGamers et j'ai hâte de voir si ça se confirme. Parce que on live, si tu peux le brancher sur ton PC pour jouer à ça, ça doit être pas pire. En même temps, tu peux brancher une Xbox sur ton ordinateur aussi. Hein? Faut juste le bon gadget, hein? Tu peux vlogger un Xbox sur ton ordi? Faut une carte de capture vidéo. OK. Que tu règles pour que le temps réel fonctionne. Parce que des fois, le problème avec les cartes de capture vidéo, c'est qu'il y a un délai entre ce que la console fait et ce que tu vois. Donc peut-être que tu auras un lag. Mais bon, si tu l'ajustes pour le lag, tu peux. Faut juste une carte de capture vidéo ou de visionnement de télé qui se branche sur un auxiliaire comme du RCA ou quelque chose du genre. Il y a presque un an environ, là, jour pour jour, presque, Ubisoft et Hardman annonçaient un partenariat afin de créer un pilote pour une éventuelle émission de télé basée sur les lapins crétins. Tu te rappelles les Raving Rabbids, les petits lapins de Rayman là, qu'on voit en figurine dans tous les magasins. Donc Ubisoft a annoncé la signature d'une entente avec Nickelodeon pour créer une série complète basée sur les lapins crétins. Ça va être 78 épisodes de 7 minutes qui vont être diffusés dans 26 émissions de 30 minutes sur Nickelodeon. La première diffusion aura lieu en 2013, donc une série d'humour absurde avec les lapins crétins. Des fois, ils sont un petit peu gosses hein, dans les jeux vidéo, donc je ne sais pas si la série télé, ça va être pareil. Peut-être. La rumeur se confirme, c'est notre dernière nouvelle. Microsoft annonce l'arrivée prochaine de pratiquement 40 réseaux de télévision supplémentaires sur Xbox 360 via Xbox Live. Donc, on va retrouver entre autres Bravo, Comcast, HBO, Go, Verizon, Fios, Sci-Fi, BBC et un paquet d'autres. Donc, il va falloir être membre de Xbox Live Gold pour en profiter et regarder la télé sur votre Xbox. C'est quand même quelque chose. Tu coupes ton câble, tu te mets juste sur Xbox. Les canaux vont dépendre aussi de votre pays de résidence. Au Canada, il va y avoir Disney XD, Crackle, Maple Leaf Sports et d'autres choses comme ça. Vous pouvez voir la liste sur assemblagerequipe.com. Et pour les sorties en magasin cette semaine, maintenant, sur multiplateforme, on trouve Ace Combat Assault Horizon sur Xbox et PS3, Dead Rising 2 Off the Record sur les deux mêmes consoles, Red Dead Redemption Game of the Year Edition, un jeu très bien coté de Rockstar Games, et Wipeout 2 sort sur Xbox 360, PS3, Wii, 3DS et DS. Sur Xbox seulement maintenant, Forza Motorsports 4. J'ai vu les previews à la télévision, ça a l'air fou complètement. C'est ton genre de jeu, ça? Non, pas tant que ça, mais... Bien fait. Ça a l'air excessivement bien fait, oui. Cool. Kinectimals, Now with Bears, donc vraiment les Kinectimals de la Kinect, mais avec des ours dedans, c'est pas. Sesame Street, Once Upon a Monster, Hulk Hogan's Main Event, un jeu de lutte. Là, lutte, oui. Michael Phelps, Push Limit. Michael Phelps, c'est quoi ça? C'est le nageur? Ouais, c'est ça. Sur Wii maintenant, Dance Dance Revolution 2. De Konami, et puis Go Vacation, j'ai aucune idée ce que c'est. Sur DS, Aliens Infestation, et finalement sur Nintendo 3DS, Mahjong Cube. Ah, les jeux de Mahjong. Ça, c'est vraiment pénible pour moi jouer à Mahjong. Ouais. Tu sais, les petits de blocs domino, là. Faut que tu fasses, tu trouves des semblables. Je comprends rien, ça. Bon, et Marvel Super Hero Squad, The Infinity Gauntlet. Ça, ce sont les nouvelles entrées, les nouvelles sorties de cette semaine, et on va terminer ça avec un petit peu de chiptune. Pourquoi pas? Hein? Yeah! Yeah! On s'en va entendre Fear of Dark avec la pièce Starfish Islands tout de suite dans CNX à Assemblage Rookie. Est-ce que t'aimes mon nouveau fond de CNX en passant? Ouais, il est bon. T'aimes ça? Je ne sais pas l'autre non plus. Non? L'autre est bon. On variera. Starfish Island de Fear of Dark tout de suite. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Tian and Sarah avec l'excellente, excellente pièce Alligator sur leur album Sainthood. C'est très bon. Oui, c'est bon. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Tantôt, on a Stéphanie Gagné qui s'en vient et Marie-Pierre Laforge-Bourré. Exactement. On va parler de sûrement de musique parce que Stéphanie Gagné, on ne sait jamais. Non, on mais sait jamais. Mais on peut, on présume. On présume. Mais il va aussi avoir avec le plat favori de Stéphanie tes crudités. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Et mon dessert délicieux de Mathieu. Ouais. Mais pour l'instant, on écoute. On va aussi essayer quelque chose d'autre de nouveau tantôt. OK. On devrait avoir le temps d'essayer un petit bloc Écoutons la donc la chanson tantôt. Vers la fin? Ouais, vers la fin de l'émission. Pour l'instant, bravo Funkin avec Zombies au 89 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Mouah, comme des zombies. Cerveau. Zombies de Bravo Funkin au 89 FM. Bizarre celle-là, hein, comparé aux autres qu'on a entendu de Bravo Funkin, c'est pas le même genre. Non, du tout, du tout. Mais j'aime ça quand même. Moi. Pas autant que les autres, par contre. Pas autant que les autres. Ce que j'aime pas autant que les autres chroniques dans l'émission, mais j'aurais pu dire ça, toi à place, mettons, si c'est une citation de toi, chronique que j'aime pas autant que les autres, mettons. Est-ce que tu peux deviner, mettons? C'est dur de choisir entre la pire chronique que je fais, hein. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Il y en a pas mal. Voici, c'est un fait. Je me suis dit, je vais choisir les chroniques que François déteste le plus pour toute la journée aujourd'hui. C'est la première journée de la semaine. Va le faire chier! Un mot, t'as dit que tu utilises des bons mots à radio. Donc, chronique, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Sur Internet, en tout cas. Commençons par Hallmark, la compagnie de cartes, t'es connais? Ben oui. Ils ont une nouvelle ligne de cartes d'encouragement qu'on peut envoyer à ceux qui ont perdu leur emploi. OK. C'est fin, hein? OK, c'est ils ont vraiment... Une ligne complète, okay. Une série de cartes, genre, tu vas trouver une autre job! Ouais, c'est pas grave, des emplois, il y en a partout. Ou genre, il y a plein de poissons dans l'océan, mais il y en a pas dans ton congélateur parce que t'as pas l'argent pour t'acheter de la bouffe. Mais non, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas celle-là. John Steinbeck, est-ce que tu connais John Steinbeck? Non. Il a écrit un livre qui s'appelait, qui aurait pu s'appeler « Something That Happened ».

Oui, vous autres. Ben oui, hey, tu sais, je dis à François qu'il peut t'insulter un peu. Il t'insulte à chaque semaine, tu le sais. Tu l'as entendu, t'as déjà entendu ça, cette émission-là, toi? Oh oui. Il est tout le temps pas fin avec oh, toi. Oh oui, hey, bon. En tout cas, cette semaine, on dirait qu'il a été dompté. Je sais pas ce que tu as fait. Peut-être que tu l'as menacé de quelque chose. Ah, je sais pas. C'est peut-être la grippe aussi. Peut-être. Bon. Donc, Steph, en direct de Gatineau City, qu'est-ce que tu présentes dans ta collègue, ton plat favori cette semaine? Cette semaine, j'ai deux chansons que je voulais faire jouer. La première, c'est d'un groupe que je suis allée voir en spectacle cette semaine, mon premier spectacle à Ottawa. C'est Runner Riot, que j'avais jamais vu en spectacle. Et il y avait en première partie The Strain, un groupe que je connaissais pas, qui vient de pas loin. Et Dinosaur Bones, que j'avais déjà vu en première partie de Tokyo Police Club et Colorado. Mm-hmm. Je suis allée les voir samedi passé. Riot Riot, groupe de l'État de New York, deux albums, The Wrong Line et The Orchard, en 2008 et en 2010. The Orchard, un album qu'on a quand même pas mal fait jouer au palmarès. Je sais pas pour The Wrong Line, j'étais pas assez fou dans ce temps-là, mais je sais que The Orchard a quand même passé assez souvent, ouais. Assez fou. Pas mal de chansons, Too Dramatic, Boy aussi, des excellentes chansons. Mm-hmm. Et en spectacle, j'ai vraiment été étonnée parce que le chanteur Wes Miles, il a vraiment une voix particulière. Et en spectacle, sa voix est vraiment identique. C'est vraiment surprenant, c'est super beau. Et c'était aussi la première fois que j'allais à un spectacle, mettons, underground, on pourrait dire, et qu'il y avait un violoncelle et un violon sur le stage. C'était vraiment spécial, c'était vraiment bon. C'est ce qui différencie Riot des autres groupes indie, pop, blablabla, peu importe comment qu'on les catégorise. Ouais. C'est vraiment différent des autres groupes. J'ai vraiment adoré. C'était super bon comme spectacle. Alors, groupe à voir si vous avez la chance. Riot. Et Dinosaur Bones aussi, deuxième fois que je les voyais. Excellent groupe aussi. Encore meilleur en spectacle que sur leur album. Et on va entendre la pièce Can You Tell de Rare Riot tantôt dans l'émission. Oui, une chanson de leur premier album, The Wrong Line, et j'ai vraiment accroché sur cette chanson-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Les paroles sont super tristes, sont super cute aussi. Fait que c'est ça, ça va être la pièce Can't You Tell. Mais avant, je voulais aussi parler d'un autre groupe. Là, je suis sûre que quand je t'ai dit, Mathieu, c'était quoi mes coups de cœur de la semaine, je suis sûre que t'as fait « Ah, oh, wesh, pas ça! » Non, du tout. Du tout, du tout. Même pas. Mais t'as fait ça tantôt. Hey, c'est toi qui fais des affaires. Hein. C'est Foster the People, un groupe californien qui connaît quand même un gros succès commercial ces temps-ci avec sa chanson « Pumped Up Kids ». On a pu entendre cette chanson-là et d'autres de leur premier album vraiment souvent à la télé. Dans l'émission Entourage, dans Gossip Girl, dans Grey's Anatomy, Vampire Diaries, et aussi dans le film Friends with Benefits. Ah, avec Mila Kunis. Oui, exactement. C'est tout ce que j'ai retenu de ce film-là. Qu'est-ce que tu dis? C'est tout ce que j'ai retenu de ce film-là. Mila Kunis. Ouais, ouais. Foster the People, c'est très pop, électro, c'est super joyeux. Ça me fait penser au premier album de MGMT, ah, Oracular oui? Spectacular. J'ai vraiment été étonnée parce que avec la pièce Pumped Up Kids, je pensais que ça allait être un one hit wonder, que bon cette chanson-là allait être commerciale, puis que tout le reste de l'album devait être assez mauvais. Mais finalement, l'album est assez intéressant. C'est quand même super bon. Et la chanson que je voulais vous faire entendre, c'est la pièce Houdini, une pièce qu'ils ont jouée à Saturday Night Live samedi dernier. Ah. Yes. J'ai raté ça, moi, quand même. Ouais, puis c'était avec Kennedy en plus. Ah. Quoi? Alors voilà. Quoi? C'est comme. Si je fais A, tu fais comme bouche bée, Tata? Bouche bée. Bouche bée! Stéphanie? Oui. Oui, donc continue de parler, okay. On arrête de t'interrompre avec le délai, c'était insupportable, vas-y. Non, j'ai fini. Ah bon, mais est-ce que, tu sais, d'habitude, on fait ton plat favori, les crudités de François-Olivier et le dessert de Mathieu, mais cette semaine, vu que je veux en parler avec toi, je vais juste devancer mon dessert à tout de suite, ça te dérange pas? Bon, vas-y. On ira en musique après. Parce que mon dessert délicieux est non seulement quelque chose que j'ai aimé cette semaine, mais en plus une excuse envers toi. Oh, pourquoi? Donc ça te touche parce qu'il y a quelques années, quand tu m'avais parlé que tu avais un iPod classique, j'avais ouais. dit de toi un petit peu, tu sais. Tu te rappelles, j'avais dit, Krim, est-ce que tu as vraiment besoin de toute ta discothèque au complet? T'es pas capable de faire un tri, Stéphanie, tu sais. Ah, je me rappelle de ça. Ouais, ben moi aussi. Et puis, depuis quelques semaines, disons que même moi, que mon iPhone, je le trouve plein pas mal et qu'il y a juste un groupe qui rentre dedans. Genre, c'est, je dois faire le choix déchirant entre juste amener OK Go ou Tokyo Police Club avec moi, tu sais. Je peux pas varier parce que ça prend comme une demi-heure à transférer avant de partir, t'sais. Fait que je me suis dit, la seule façon, c'était d'acheter un iPod classique. Et je te comprends donc maintenant de pourquoi que tu l'as acheté toi aussi. Ah, fait que tu t'es procuré un iPod classique. Ben oui, je suis allé même jusqu'à Montréal pour m'en acheter un parce qu'il n'y en avait nulle part à Trois-Rivières, dans tous les magasins de musique, peu importe lequel, mais là, il n'y en avait pas. Parce que c'est le... Ben tu sais, vu qu'il n'a pas été mis à jour à la conférence d'Apple la plus récente, ils ont mis à jour le iPod Touch et l'iPod Nano, mais le reste, ils ont laissé faire. Et le classique est encore au même prix, mais il n'y a plus personne qui l'achète. Donc, ils ne le mettent pas à jour, puis ils ne baissent pas le prix parce que ceux qui l'achètent, l'achètent à ce prix-là pareil, les fans de musique. Donc, voilà. Il a fallu que je magasine un petit peu, mais j'ai trouvé, il y a seulement un modèle maintenant, 160 gigs, deux choix de couleurs, argent ou noir, j'ai pris le noir, et me voilà très très heureux, et même que je vois quasiment, j'ai quasiment envie de refuser les livres qu'on m'offre cette semaine, juste pour pouvoir avoir mon iPod ses arrêts. Non, mais t'as plus besoin c'est de choisir. C'est le fun. C'est le fun, tu sais, ma base de données de musique a à peine 60 gigs, mais ça a pris genre, c'est ça, à peu près une demi-heure à transférer, vu que c'est un vrai disque dur, un peu comme du USB, c'est beaucoup plus rapide, t'as toute ta musique pour presque pas d'argent, c'est fantastique. Puis en plus, c'est que tu mets... aussi des films. Ben, c'est ça, c'est exactement ça, je me suis abonné à plusieurs podcasts d'émissions de télé, donc vidéo vraiment, et puis à chaque fois qu'il y en a des nouveaux, je le branche, et ça se transfère en deux minutes, puis... Mais les films, c'est petit un peu, non? Oui, c'est petit des un peu. Mais pour dans l'autobus ou, tu sais, en voiture avec quelqu'un d'autre, ça, peut, ça peut être bien. Mm-hmm. Non, pour ça, il n'y a que des avantages pour ça, moi. Oui, c'est ça. Moi aussi, des fois, quand je suis en voiture avec quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui conduis, ben, je commence un film sur mon iPod. Pourquoi pas? J'en ai une couple. Il y a la place en bas, de toute façon, là-dessus. Ben, c'est ça. Il me reste... J'ai même pas le tiers de rempli, tu sais. Puis j'ai mis toute ma musique que j'ai depuis 5 ans dessus. Je comprends pas. C'est génial. Ce que je comprends pas, par contre, tu sais, c'est ça. Moi, je me disais, tu sais, au début, bon, 250$ que ça coûte, le iPod classique, je trouvais ça cher. Parce que, par comparaison, tu sais, un iPod Nano. Mettons, j'ai pas les prix devant moi, mais je pense que genre 16 gigs, c'est quelque chose comme 250 ou... Je pense que c'est comme... Non, c'est comme 150$ pour genre 16 gigs. Donc, pour le double du prix à peu près, ou en bas du double, t'as 10 fois la place, tu sais, sur un iPod classique. Mais c'est ça, c'est vraiment... Tout le monde pense que c'est cher, mais non, finalement, c'est pas si cher que ça, parce que quand on regarde le iPod Touch, par exemple, pour le même prix, t'as à peu près 16 gigs. C'est ça, ça n'a aucun sens. Pour 30$ de moins, je pense. Ouais. Et puis, tu sais, un vendeur dans un magasin qu'on n'aimera pas m'a mentionné, tu sais, « Ah, mais achète pas un iPod classique, l'année prochaine, ils vont sortir un iPod Touch de 128 gigs, mettons. » Mais oui, mais ils vont te le vendre 700$, dude. Ouais, exactement. Dude, pour vrai. Puis t'as pas besoin d'application. J'ai déjà un iPhone avec mes applications dessus. Donc j'ai vraiment enlevé la musique de mon iPod, de mon iPhone, et puis mis ma musique sur mon iPod classique. Et me voilà en train de me vanter de mes nombreux produits Apple. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça t'améliore ta vie, puis c'est un passe-temps comme un autre. Fait que jugez-moi pas. Ouais, moi je l'aime bien mon iPod classique, mais je commence à avoir un peu le désir d'avoir un iPhone, par exemple. Oui, ben c'est sûr. Mais prends, au pire, tu sais, si t'es pas... Il y a bien des gens qui sont pas à la fine pointe de la dernière version du iPhone. Là, prends-toi un iPhone 3GS. Là. Il est gratuit, ah, ce contrat. Mais de toute façon, ça fait 6 mois que j'ai mon nouveau téléphone. Fait que je peux pas vraiment commencer un nouveau contrat tout de suite si je veux pas que ça me coûte très, très cher. T'as bien raison, Steph. Mais en tout cas, c'est ça. Je voulais m'excuser d'avoir ri de toi. Je te comprends beaucoup. Et maintenant, je suis dans le même bateau que toi. Et nous vivrons heureux jusqu'à la fin des jours avec nos iPods classiques. J'espère. J'espère qu'ils vont le mettre à jour un jour. En tout cas, on verra. Je suis sûr qu'ils le mettront jamais à jour, ça, la fois. Ouais, c'est il comme ça. Il est comme ça pour rester. Puis il est parfait de même, de toute façon. Ouais, ça fonctionne bien. Ben, c'est ça. Pas besoin de plus que ça. C'est, je veux dire, à un moment donné, il aurait pu faire un modèle 200 gigs, mais on aurait juste eu, à la place d'avoir 60 gigs de libre, on aurait eu 85. En vrai, ça aurait juste fait plus de vide sur notre iPod. Bon. Donc, Stéphanie, voilà pour mon dessert. On aura les crudités de François tantôt, alors que tu seras en voiture vers destination l'école. Oui. Ah. On va écouter tes deux pièces. Tout à l'heure, il y aura Foster the People avec Houdini, mais on débute avec Can You Tell de Rara Riot. C'est bon? Yes. Merci, Steph. Bye-bye. À la semaine prochaine. Semaine prochaine, mardi à 8h. Ça commence là. C'est le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Every time you speak, my bed's too big.

Les deux choix de Stéphanie Gagné dans sa chronique Ton plat favori, ça c'était Faster the People avec Houdini et avant Rare Riot avec Can't You Tell. Je comprends pas pourquoi elle pensait que j'aimerais pas ça. J'adore ça. J'adore. Très bon. C'est très bon, mais j'avoue que, comme tu le mentionnais aussi, ça ressemble vraiment beaucoup à MGMT. Oui, oui, c'est à s'y méprendre. Si tu m'avais pas dit que c'était pas MGMT. Ouais. Ah, donc, on a fait le dessert délicieux de Mathieu tantôt aussi avec Stéphanie. Il reste seulement les crudités de François-Olivier, le meilleur stock. Là. Le meilleur stock. En fait, pour les fervents amateurs d'assemblage requis, vous comprendrez qu'on les a déjà fait jouer. Oui. Une chanson, en fait, c'est des Horrible Crows. Et c'est un groupe, en fait, là, qui découle de la formation Gaslight Anthem. Ça ressemble beaucoup à ça. Oui, exactement, exactement. Et puis, c'est pour ça que j'aime ça. Parce que j'adore la formation Gaslight Anthem. C'est évident. Ça sortit en 2011 sur l'étiquette Side One Dummy. Et puis, c'est le chanteur Brian Fallon qui a parti le projet. Donc, voilà. On pourrait entendre la quatrième pièce de l'album. I Witness the Crime. I Witness the Crime. Et l'album s'appelle Elsie. Elsie. On écoute ça dans Les Assemblages requis. C'est le bloc Ton plat favori. I Witness the Crime de The Horrible Crow sur leur album LC dans Assemblage requis. Et c'est là-dessus que se termine le bloc Ton plat favori de Stéphanie Gagné. On la remercie. Il n'y a pas le dessert délicieux de Mathieu? Oui, mais je l'ai fait avant. Oh. J'ai dit deux fois tantôt. C'était quoi? C'était l'affaire du iPod. C'était ça mon dessert délicieux. J'ai mélangé le repas. Ouais. Plat principal, dessert, crudité. Des fois, je fais ça. Ça m'arrive. T'sais, hier, après souper, après mon dessert, je mangeais des petites céleri de la sauce Rancho. Là, c'était écœurant. Rancho? C'est bon. C'est bon. Fait que c'est ça. Ton plat favori de retour la semaine prochaine, mardi à 8h. À venir plus tard dans l'émission, c'est notre ami Marie-Pierre Laforge-Bourret. Bonjour, madame. Oh, Caroline, bonjour. Bonjour. Ah, mais je vous vois, donc

aujourd'hui, je sens que ça va mieux. Ça ira, c'est vrai, je te l'assure. Et l'important, c'est que ça te rassure. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes pas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Toi, comment ça va toi, comment ça va à l'école? Comme on dit toujours, ça va bien, bonjour. Oui, mais moi, je ne vais plus à l'école. Et comment ça va toi, ça va bien, comment tu t'appelles? De quoi je me mêle, cela ne te regarde pas. Moi, je ne vais pas, et puis quoi encore? Tu me diras qu'il fait beau dehors. Dis-moi où tu vas, dis-moi d'où tu viens, dis-moi tout, dis-moi presque rien. Dis-moi si tu penses revenir, serait-ce indiscret, cher ami, de te demander quel âge aurais-tu si le monde venait à s'écrouler. Je tergiverse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Je verse entre le sud et le nord. Je connais la ville de haut en bas. Et mes bas, en effet, vont trop bas. Et mes hauts ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Ne vont jamais assez haut. Vous êtes assez fou. Vous l'écoutez. 89.1. Assemblage requis jusqu'à 9h. Hey, salut François. Salut Mathieu. On est toujours où déjà? Dans les studios de C'est fou. Où ça? Dans quelle ville? Trois-Rivières. Trois-Rivières qui est une ville de quoi déjà, selon le slogan? Pâte et papier. Non, l'autre affaire. C'est une bonne réponse, par exemple. Ah, ça a encore plus de sens. J'y vais avec ça. Ville de pâte et papier, voici la chronique littéraire. Oh. Parce que je cherchais ville de la poésie. T'sais. Oui. Mais ouais, les deux marchent finalement pour toi. Parce que tu parles de livres, puis souvent de poésie. Oui, aussi. Mais pas aujourd'hui, donc, c'est ça? Non, ben, j'en ai parlé à la dernière chronique. Oui, à un moment donné, il faut un peu alterner. Faut en revenir de la poésie, Marie-Pierre? Ben, le festival a terminé hier. C'est vrai. Est-ce que t'es allée à quelques activités? Oui, j'ai été à deux soirées de poésie et les deux fois, ça a été fort agréable. Oui. Ouais. Tu recommanderais pour les gens qui ne sont pas allés d'y aller l'année prochaine? Oui, d'y aller l'année prochaine. Parce que sérieusement, si vous habitez à Trois-Rivières et que vous n'êtes pas encore allé, je crois que c'est quelque chose que à l'automne, tu ne peux pas passer à côté de ça. Oui. Voilà. Oui, donc, c'est obligatoire. Donc, tu nous parles de quel livre aujourd'hui, Marie-Pierre, dans ta chronique? Dis-moi. Bien, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire différent pour commencer ma chronique. Okay. J'ai décidé de commencer à vous lire un extrait. Ah! Parce que je pense que ça ne peut pas mieux présenter le livre que de commencer par cet extrait-là. C'est vrai, c'est comme parler de musique, on écoute la pièce avant. Ça a voilà. C'est parfait. Bon, OK. Je m'appelle Luc Blouin et j'ai été conçu dans une commune de la Côte-Ouest à la fin des années 60. Le ti vient de ma mère et elle y tient, ou plutôt, y tenait. Mais un jour, un camion-citerne a traversé une ligne qu'il ne fallait pas. Ce camion transportait de l'ammoniaque. Le conducteur s'est endormi au volant et le véhicule s'est retrouvé dans la voie opposée. Après la collision frontale, il s'est renversé dans le fossé. L'ammoniac s'écoulait dans la rivière des Outaouais et les autorités ont fait évacuer le quartier résidentiel voisin par mesure de précaution. Ma mère revenait d'Ottawa, où elle avait assisté à une réunion. Elle travaillait alors pour le Conseil des arts. Au lieu de prendre la 40, elle avait décidé de suivre la rive québécoise par la route de Montebello, son côté bucolique. C'était l'automne et la lumière avait commencé à changer. J'imagine des vols d'outardes repérant des plans d'eau situés à proximité des champs de maïs, des mouffettes écrabouillées sur l'asphalte. Au flanc des contreforts laurentiens, le rouge sombre des chênes s'affichait. Belle journée, ciel bleu. Pour ça, elle a bien été servie. L'odeur qui s'échappait du camion aurait pu suffire à réveiller les morts de tout un cimetière, mais pas ma mère, dont la voiture reposait en plein champ, ratatinée comme un accordéon, ayant expiré sa dernière note. Elle n'a pas souffert. Le camionneur, lui, avait subi un violent choc nerveux. C'est l'expression consacrée pour dire qu'il n'avait pas une égratignure. Le lendemain, les banlieusards riverains, accompagnés d'un psychologue, ont pu réintégrer le confort de leur foyer. Tout était OK. Des poissons flottaient, ventre blanc retourné, dans l'eau calme des baies. Ma mère me parlait parfois de mon père, un obscur écrivain américain qui avait eu son heure de gloire à San Francisco au début des années 60. Il était grand, blond, ex-champion de basket au collège. Elle avait perdu de vue depuis des années. Forward Fuse, c'est son nom, est l'inventeur du fuck writing, la technique d'écriture expérimentale grâce à laquelle j'ai été conçue. Donc voilà, ça c'est l'ouverture du roman. Ça donne un peu une drôle d'idée, mais quand tu lis ça, tout est là pour le reste. Donc un peu le côté bucolique, la mer qui se promène dans la nature, le côté un peu... Bon, c'est quand même un camion d'ammoniac, c'est une fin un peu... un peu atroce. Oui, ouais, quand même. Donc, le côté... Elle n'a pas souffert, mais quand même. Hein? Oui, le côté ammoniaque, aussi le côté... pardon, une petite seconde. Le côté environnemental. Mm-hmm. Parce que, bon, un déversement d'ammoniaque, on s'entend que ça tue beaucoup de nature. Donc, ces trois éléments-là sont, selon moi, ce qui mène le roman. Mm-hmm. Pour commencer... Ouais, le roman, je vais le nommer. Voilà. C'est Le joueur de flûte de Louis Hamelin. Louis Hamelin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur qui est né à Grand-Mère, donc un auteur de la région. En 1959, il a reçu le prix du gouverneur général pour son premier livre en 1989 et pour son dernier livre qui est sorti cette année, La constellation du lynx, il a reçu quelque chose comme 4 ou 5 prix. Donc, c'est un auteur que, oui, il a commencé à publier en 1989, mais on commence à le connaître de plus en plus. Moi, j'avais souvent entendu son nom, puis je ne l'avais jamais lu. Puis là, j'ai décidé, c'est là que ça se passait. Et j'étais vraiment pas déçue. C'est un très, très bon roman. Mm-hmm. C'est rare que je vais accrocher autant sur un roman québécois qui passe, mais celui-là, je crois que cet auteur-là, il ne faut pas passer à côté. Mais qu'est-ce que c'est, selon toi, qui ne t'accroche pas chez les romans dans les livres québécois, mettons? Ah non, je suis accrochée par les romans québécois, sauf que c'est rare que j'ai des... Tu sais, un roman révélation, ouais. Là, tu fais comme « Ah, oh, wow, OK, pourquoi j'ai pas lu ça avant? » Ouais, ouais. Ouais, ben celui-là, Le joueur de flûte, c'est un de ces romans-là. Mm. Tu fais « Oh, pelaï, OK, il se passe de quoi? » C'est un roman qui est spécial. Moi, je trouve, c'est rare que j'en ai lu des comme ça, en québécois. Mm. Et donc, bon, comme je l'ai dit tantôt, Louis Hamelin, il a écrit 9 livres. Dans ses livres, il a tendance à utiliser le côté politique, le côté environnement. Et le côté un peu la quête, l'épopée, quelque chose comme ça. Donc, ça résumerait en gros, ben, brièvement son œuvre. Pour ce qui est du joueur de flûte, comme je vous l'ai lu tantôt, c'est le personnage principal, c'est Tuluc Blouin, qui est un Québécois né à la fin des années 60, qui est un homme un peu perdu. Bon, dans sa vie, il vient de perdre sa copine, il travaille sans conviction pour un organisme environnemental. Il est un peu perdu, un peu naïf. Il ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Et du jour au lendemain, il se décide qu'il va quitter le Québec pour aller à la recherche de son père. Donc, le roman, oui, c'est à la fois, ça touche l'environnement, ça touche le côté nature, mais c'est une quête identitaire, principalement. Et donc, Tuluc Blouin décide d'aller chercher son père, mais... Pour aller chercher son père, il décide de retourner à ses racines, donc à l'endroit où il a été conçu dans une commune de Vancouver, de sur une île à côté de Vancouver. Donc, c'est tout un chemin qu'il fait. Et le livre en tant que tel se passe principalement sur cette île-là, qui est une île avec plein de militants, parce que l'île va être rasée. Donc, il y a une compagnie qui veut complètement raser les arbres de l'île. Et il y a une gang de militants un peu spéciaux qui se trouvent là-bas puis qui disent « Non, nous, on va vous empêcher de le faire. » Et donc, ils décident d'aller dans cet endroit-là avec plein de gens spéciaux qui mangent des trucs très, très, très naturels. Mmh. Donc, rien de ce qui est viande, rien. Ils sont très, très... C'est le strict basic, là, on peut dire. Okay? Et donc, ils décident d'aller là-bas pour réussir à retrouver son père. Mais ce qui est le fun à travers ce livre-là, c'est la rencontre des personnages que l'on fait. Parce que, oui, sur cette île-là, c'est une île où il y a plein de spéciaux, mais la manière qu'a Louis Hamelin d'apporter ces personnages-là puis de nous les présenter, c'est absolument... chacun des personnages est plus spécial que celui qu'on vient de rencontrer avant. Je pense qu'il ne peut pas y avoir plus spécial, puis là, finalement, il y en a. Oui, mais c'est ça, c'est tous des personnages qui ont leur personnalité propre, mm-hmm. qui ont leur histoire, et Louis Hamelin nous en fait part, donc c'est il nous en parle de cette histoire-là, de chacun des personnages. Est-ce qu'il les rend attachants ou... Oui, ben oui. En fait, tu peux pas... surtout Luc Blouin, parce que c'est lui le personnage principal, tu le trouves un peu bizarre, tu comprends pas trop ce qu'il fait, mais en fait, tu le trouves attachant. Et c'est un peu la même chose pour d'autres personnages. Entre autres, il y a une fille qui se promène avec un rat sur son épaule. Mmh. Tu te dis, mais quel phénomène! Puis finalement, ce personnage-là que tu apprends doucement à connaître sans trop aller en profondeur. T'sais, il va pas au creux fond de l'histoire de chacun des personnages, mais il nous raconte une histoire générale de cette personne-là assez pour qu'on comprenne pourquoi la fille se promène avec un rat sur son épaule. T'sais, bon, c'est un peu comme ça le roman. Et bon, à travers tout ça, je vous le conseille pour l'humour qu'il y a dans le livre, parce que bon, c'est un livre qui est très humoristique. Juste le début, tu commences, tu le lis, tu fais « ben voyons », tu sais. Et c'est comme ça un peu tout le long, des situations un peu, on peut dire cocasses un peu. Ouais, on pourrait dire ça. Tu l'as dit. Ouais. bon, pour l'ambiance, un peu années 70, donc drogue, sexe, les hippies, OK, il y a ça dans ce livre-là. Le côté, c'est un peu un conte environnemental à la fois, parce que bon, le personnage, bien qu'il travaille pour un organisme environnemental, bon, il n'y a pas de conviction, mais quand il se rend là-bas sur l'île, il ne veut pas, tout comme les autres, qu'il y ait une coupe à blanc. Donc, il y a un peu le côté conte environnemental. C'est très, très actuel, parce que bon, on s'entend que c'est d'actualité, tout ce côté-là, environnement, il faut conserver les arbres, bon, ce n'est pas une ressource nécessairement renouvelable. Ben oui, elle est renouvelable. Éventuellement. Mais ça prend du temps. C'est ça, pas à court terme. Et il y a aussi le côté naturel, le côté romantique de la chose dans le sens contemplation de la nature. D'ailleurs, je vous avais pris un des extraits du livre qui est un de mes extraits préférés parce que c'est très, très bien écrit. Parce que non seulement c'est des personnages attachants, c'est une histoire, une quête identitaire qui est très bien construite, mais à la fois, c'est très bien écrit. Il y a des passages que tu lis puis tu peux pas faire autrement que trouver ça beau. Donc, je vous en ai un petit extrait. Vers la fin de l'après-midi, j'étais de retour dans mon arbre creux. Le long tunnel vertical et le rond ciel bleu, tout en haut. Le silence bourdonnant du sang venait battre à mes tempes. Ma mémoire me jouait des tours bizarres dans cet arbre. Les mots et les images semblaient y naître spontanément et comme tout naturellement pour venir tournoyer dans ma conscience. Peu après mon arrivée à mon Edge Bay, j'avais souffert de trous de mémoire d'une profondeur abyssale que j'avais attribué, sur le coup, à la fatigue du voyage, mais qui m'avait néanmoins inquiété. Et maintenant, dans la scintillante obscurité de mon oubliette, tout semblait refluer en désordre à la surface de mon être, le connu et l'inconnu. Non seulement les scènes de l'enfance, mais aussi des noms étranges, pourtant déjà familiers, tirés du néant qui m'environnait comme autant de lapins d'un chapeau, ou comme si la terre sous mes pieds avait été imprégnée d'eux. Donc, c'est à travers la nature puis à travers le voyage que le personnage retrouve son identité. Parce que, bon, on ne sait pas qui il est, et c'est dans ce voyage-là qu'il découvre, à 30 ans. Donc, je vous le conseille. J'ai rien d'autre à dire. Puis peu importe, le livre est difficile à rendre en chronique parce que peu importe ce que je vais vous dire, oui, les personnages sont attachants, mais le meilleur moyen de le découvrir, c'est vraiment de le lire parce que c'est difficile de rendre justice à ce livre-là. Il y a tellement de choses à l'intérieur, il y a tellement de... C'est un livre qui est très riche, puis c'est difficile d'en rendre compte comme ça en 5-7 minutes. Donc, Je disais compact sur la couverture. Est-ce que c'est parce que c'est une version compacte d'un livre qui est à l'origine plus gros ou est-ce que c'est... Ben probablement parce que c'est l'édition, les éditions Boréal Compact, okay. C'est les éditions Boréal, puis souvent ce qu'ils vont faire, c'est que bon, il y a des livres grandeur, tu sais, des gros livres, couverture rigide, mm-hmm. Et eux souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ce livre-là puis ils vont le faire en version poche. C'est tout simplement ça. Est-ce qu'il se lit bien? Il a l'air relativement court quand même. Ouais, c'est à peu près 200 pages. Mm-hmm. Et non, ça se lit très bien puis c'est agréable. D'accord. Ouais. C'est Le joueur de flûte de Louis Hamelin. Oui, paru en 2001. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On te retrouve quand donc, mardi prochain à 8h30? Non. Non? Ben non. Non, mardi dans deux semaines. C'est vrai. Qui va être la semaine de relâche? Oui. C'est avec Caroline. On se retrouve dans un bon bout, mais ça va me laisser le temps pour lire un bon livre. Tu vas mieux de nous parler de 3-4 livres cette semaine-là. Parce que nous, ou d'un de 300 pages et quelques, au choix. Ouais, c'est moins impressionnant comme ça. Là. Bon. OK, de ta droite. Mais on te retrouve au Palmarès, c'est fou, les jeudis à 14h. Oui. Sauf peut-être dans la semaine de relâche. Mais bon, quand même. La semaine prochaine, tu vas être là? Oui, je vais être là. Je suis là cette semaine. Bon. Je peux relaxer maintenant. Oui, oui, tu peux relaxer. Merci, Marie-Claire. Merci beaucoup. Bonne journée. Toujours à l'Assemblage Requis, nous reste environ une quinzaine de minutes. Et François? Mathieu Plante. On va aller écouter une dernière petite pièce. Et après ça, j'ai une idée spéciale pour toi qu'on va faire bien, bien rapidement tantôt. Formidable. Juste après les Breastfeeders qu'on s'en va entendre avec mes lunettes noires. Qui est sur le palmarès francophone. Petit lien avec Marie-Pierre, tu sais. Je me suis dit, une pièce des palmarès, ça fitrait. On fait jamais jouer ça, les pièces de palmarès dans les assemblages requis. À peine 5, 6, 7 fois par émission, à peine. Les Breastfeeders et mes lunettes noires à Assemblage Requis sur C'est fou, 89 FM. Avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Chose, là, c'est quoi son nom déjà? Marchand. C'est ça. Marchand. Maintenant, on ramène. Relax. Mange pas tes bas. On se calme. On n'en est pas aujourd'hui. Non. C'est pas vrai. T'as un peu. T'as des beaux bas. Merci. Voici. Écoutons la don, la chanson. Dans Dans le bloc, écoutons la donne la chanson. Qu'est-ce qu'on fait, François? C'est nouveau, donc je vais te l'expliquer pour la première fois. D'accord? On écoute des chansons, tu vas me dire? On va écouter des chansons, mais avec un thème bien particulier. Et l'idée de la chose, le bonheur de l'idée, François, tu vas trouver ça génial. C'est comme un quiz, mais sans vraiment de participants ou de gagnants. Wow! C'est génial, hein? Révolutionnaire. Mais, mettons que tu pourrais jouer le rôle un petit peu du participant, mais tu gagneras rien si tu gagnes, OK? Peut-être mon admiration. OK. Tu dois deviner le thème entre les chansons du bloc. Donc, je vais te faire jouer trois pièces. Ça peut être un thème très, très évident. Ça peut être genre qu'ils portent tout le même titre, tout le même mot dans chaque titre. Peut-être que les groupes, ça peut être tout d'un mot pareil. Ou encore, ça peut être très, très absurde. Okay. On va commencer par la première pièce de notre bloc. Voici la formation Petit Big sur leur album Go le ciel. C'est tout est automatisé. Écoutons là-dedans la chanson. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Je recule dans un monde palpable. Sa poitrine est une sécurité. Le plaisir est une magie concrète. Mon univers n'est que géométrie. Et tout ce qu'on se classe écrit, c'est tout l'écriture. Où est la spontanéité? Tout est automatisé.

Ça, j'aimerais ça. Après dîner. Après dîner. OK. Très d'accord. Vendu, tu me le rappelles. Yes, sir. Voilà pour le bloc. Écoutons la don, la chanson. On se fera ça une autre fois parce que moi, j'adore ça, faire ça, des petits concours comme ça. C'est beau, hein? C'est beau. Peut-être qu'un jour, on vous fera gagner à vous à la maison un petit quelque chose. Peut-être. Des framboises. Mais surveillez l'assemblage requis cette semaine et on va avoir des tirages encore. C'est partir. Clair. On a des 10 pour vous. On a des emballages cadeaux et des affaires de sexe là-dedans. Yes, sir. Toute la quête. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais pour l'instant, nous, c'est la fin d'assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. Qu'est-ce qu'à l'émission de demain, François? Demain, émission chargée. On reçoit Myriam Fugère. Oui, sa chronique aléatoire. Et à 8h30, ce sera la chronique financière de Yann Martel. Passez une excellente journée sur nos ondes. Le dîner de con s'en vient à 11h. Et puis le voyage insolite et album classique en après-midi. Une dose d'estrogène à 16h. Et en soirée, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. On se quitte, puis on se retrouve demain. À demain. Bye, à demain. Bye, bye. Bye, bye.